Dis-lui de ne pas arriver en retard. C'est trop important pour Isabelle. B. Vos amis sont en train de téléphoner. C. Je pars en Allemagne. Je vais y retrouver une amie. D. Dans un an, on ira en Irlande. E. Ils aiment beaucoup les haricots. Achetez-en 2 kilos. F. C'est le grand amour. Ils ne sortent pas de chez eux. G. Aujourd'hui, il y a 10 étudiants dans la classe. H. Je vous recommande ce film. Allez-y. I. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. J. Je vous en veux d'être arrivé en retard à ma fête.